Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Meudu, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, un manga et la Seconde Guerre mondiale au Japon. Sengo de Sansuke Yamada commence comme un grand classique qui s'apprête à dérouler les aventures tragicomiques de deux compagnons de guerre en quête d'idées pour se reconstruire. Kadomatsu et Toku se retrouvent dans la zone de Tokyo en ruine et s'adonnent à quelques classiques du genre entre bitures plus ou moins poétiques et bagarres autour d'une baraque à soupe où viennent deviser les travailleurs du quartier. Dans une ville de Tokyo en ruine après la défaite japonaise face aux alliés et après le discours de reddition de l'empereur qui a mis fin aux rêves de grandeur. Chacun se débrouille avec ses deuils, la culpabilité d'avoir mené des hommes au combat et à leur mort, ou l'incertitude de l'avenir quand la seule activité immédiatement disponible se résume à la survie, au coup de poing et à l'épuisement. Les lendemains d'une guerre perdue dans le contexte japonais, c'est aussi revoir le modèle social et le projet de société obsolète qui promettait à ces hommes une gloire immémoriale à la seule condition de mourir pour leur patrie. Toku, l'officier alcoolique, ne sort pas de sa sidération d'avoir nourri pour seul destin que sa mort certaine soit flamboyante, tandis que Kadomatsu, le gaillard sans famille et sans fortune, ne cherche qu'à retrouver l'affection d'une famille de circonstances, sans jamais avoir eu la sensation d'un avenir confiant. Mais les deux premiers tomes de Sengo rompent avec le genre. Les femmes aussi sont vétérantes, celles qui ont perdu leur famille et celles qui ont été contraintes à la prostitution dans les centres mis en place par le gouvernement pour l'armée d'occupation américaine. Sengo raconte la violence sur tous les corps, ceux qui ont décidé d'en garder la marque à jamais, comme cette prostituée qui choisit de se faire tatouer après son premier viol, ou ces hommes hantés par leurs blessures, leur propre violence en caserne ou au combat. Alors qu'est-ce qui nous lie d'après toi ? Cette solidarité de survie entre le récit de la guerre qu'on se remémore dans cet après-guerre crasseux et le quotidien d'un champ de ruines sociales et politiques met en scène ceux qui n'y croient plus et pourtant. Dans un quotidien marqué par la recherche de subsistance, le marché noir et les combines lamentables, un quotidien qui se résume à la quête d'une boîte de conserve. Un Graal symbolique qui, malgré sa banalité, apporte l'amour ou la mort. Un univers où le propriétaire de la baraque à soupe offre des pêches au sirop et des cahiers d'écoliers pour faire la cour et où une conserve piégée peut tuer un enfant qui vient pourtant de redécouvrir le plaisir d'écouter de la musique. Les deux premiers tomes de Sengo de Sansuke Yamada sont édités chez Casterman. Merci Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire et ses podcasts sur notre site franceculture.fr et tous les liens pour aller plus loin.